Amis humains, bonjour, un peu d'économie. Nous assistons à l'écroulement d'un monde, des forces immenses sont sur le point d'être déchaînées. Entretien avec Frédéric Lordon. Frédéric Lordon est économiste. Il est directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de sociologie européenne, CSE. Comédie sérieuse sur la crise financière. En quatre actes, et en alexandrin, Seuil, 2011, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, La fabrique, 2010, et l'intérêt souverain. Essai d'anthropologie économique, La découverte, 2011. Il a accordé un long entretien à la revue des livres fin décembre 2011. Il nous livre ses commentaires et analyses de la crise économique actuelle et de ses origines. Avec un ton incisif et un regard acerbe, il revient sur les causes et effets de la crise elle-même, mais commente également le traitement de l'économie par les médias, la place de l'économie au sein de l'institution universitaire, et l'éventuelle sortie de l'euro. Sonnant le glas du projet néolibéral, l'actualité est, nous dit-il, une occasion unique de changement profond. Un monde s'écroule sous nos yeux. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est en train d'arriver sous nos yeux? Depuis au moins une trentaine d'années, depuis 2008, depuis quelques mois, ces dernières semaines, c'est une leçon de choses historiques. Ouvrons bien les yeux, on n'a pas souvent l'occasion d'en voir de pareil. Nous assistons à l'écroulement d'un monde et ça va faire du gravat. L'histoire économique, en tout cas celle qui a fait le choix de ne pas être totalement bornée, je veux parler d'auteurs comme Cain le Berger, Masky ou Galbraith, a depuis longtemps médité l'effrayant pouvoir de destruction de la finance libéralisée. Il fallait depuis sans intérêt très évidemment constituer à la société historique pour remettre sur les rails ce train de la finance qui a déjà causé tant de désastres en France. C'est la gauche de gouvernement qui s'en est chargée des régulations financières annoncer la perspective d'une immense catastrophe, et ce sans pourtant savoir ni où, ni quand, ni comment exactement elle allait se produire. La catastrophe en question aura pris 20 ans pour survenir, mais voilà, nous y sommes. Notons tout de même qu'un scénario que certains n'avaient envisagé d'assez longue date considérait l'hypothèse de la succession de crises financières sérieuses, rattrapées mais, aucune des contradictions fondamentales de la finance de marché n'étant résolue, enchaînée selon un ordre de gravité croissante, jusqu'à la Big One. Sous ce rapport, la première crise de la série n'aura pas pris un an pour se manifester puisque le grand krach boursier se produit en 1987, après le Big Bang de 1986. Puis elles se sont succédées à intervalles moyens de 3 ans, et nous voilà en 2007. 2007, n'est-ce pas, et pas 2010, car le discours libéral n'a rien de plus pressé que de nous faire avaler l'idée d'une crise des dettes publiques tout à fait autonome, européenne dans son principe, et imputable à une fatalité d'essence de l'État impécunieux. Or le fait générateur est bien la crise de la finance privée, déclenchée aux États-Unis, expression d'ailleurs typique des contradictions de ce qu'on pourrait appeler, pour faire simple, le capitalisme de base pression salariale, dans lequel la double contrainte de la rentabilité actionnariale et de la concurrence libre. La rémunération du travail à une compression continue et ne laisse d'autre solution à la solvabilisation de la demande finale que le surendettement des ménages. C'est cette configuration qui explose dans le segment particulier des crédits hypothécaires, plus connu sous le nom de subprime, et qui va, en un an, déstabiliser tout le système financier états-unien, puis, interconnexion bancaire oblige, européen, jusqu'au moment Lehman. Là, on est au bord de l'effondrement total et il faut sauver les banques. Je dis il faut sauver les banques, car la ruine complète du système bancaire nous ramène en 5 jours à l'équivalent économique de l'état de nature. Mais il ne s'agit pas de le sauver et puis rien. Or c'est ce que font tous les gouvernements, en se contentant à partir de 2009 d'annoncer des projets de régulation. Le ton martial le dispute à l'innocuité. 3 ans plus tard, la régulation financière n'a pas quitté le stade velléitaire, ce qui est tout à fait regrettable car le système bancaire est encore plus vulnérable qu'en 2007, alors que point une crise d'un format très supérieur. Entre-temps, les banquiers remis à flot jurent ne plus rien devoir à la société sous prétexte que la plupart d'entre eux ont remboursé les aides d'urgence reçues à l'automne 2008. Évidemment, pour établir leur bonne conscience en même temps que leur bilan financier, il leur faut feindre d'ignorer l'ampleur de la récession que le choc financier a laissé derrière lui. C'est de ce choc même que viennent dans un premier temps l'effondrement des recettes fiscales, l'envol mécanique des dépenses sociales, le creusement des déficits, l'explosion des dettes puis, dans un deuxième temps, les plans d'austérité réclamés par la même finance qui vient d'être sauvée aux frais de l'État. Donc, depuis 2010 et l'éclatement de la crise grecque, la finance rescapée massacre les titres souverains sur les marchés obligataires alors qu'elle aurait trépassé si les États ne s'étaient pas saignés pour la rattraper du néant. C'est tellement énorme que c'en est presque beau. Pour couronner le tout, les marchés exigent, et bien sûr obtiennent, des États des politiques de restriction coordonnées qui ont le bon goût de conduire au résultat exactement inverse de celui supposément recherché. La restriction généralisée est telle que les recettes fiscales s'effondrent aussi vite que les dépenses sont coupées, si bien qu'in fine les dettes croissent. Mais l'austérité n'est pas perdue pour tout le monde, son parfait prétexte, le problème des dettes publiques, aura permis à l'agenda néolibéral d'engranger de spectaculaires progrès, inenvisageables en toute autre circonstance. On l'a déjà compris, la leçon de chose est bien moins économique que politique. Elle est d'ailleurs tellement riche qu'on ne sait plus par quelle boule attraper. Et du côté de la construction européenne, puisque, en bonne logique, il faut reconduire et approfondir ce qui s'est déjà montré toxique à souhait, en l'occurrence le modèle européen tel qu'il soumet les politiques économiques nationales, d'une part à la tutelle des marchés de capitaux, d'autre part à un appareil de règles dont le durcissement est en train de conduire à la dépossession complète des souverainetés au profit d'un corps de contrôleurs, la Commission, ou de contraintes constitutionnelles, règles d'or, et dont il faut simplement imaginer la dépression où elle nous aurait plongé, eût-elle été appliquée dès 2008 celle-là même en fait vers laquelle nous nous dirigeons gaillardement. Mais peut-être la vraie leçon de choses commence-t-elle maintenant seulement car des forces énormes sont sur le point d'être déchaînées. Si, comme on pouvait le pressentir en fait dès 2010 au moment du lancement des plans d'austérité coordonnés, l'échec macroéconomique annoncé conduit à une vague de défauts souverains, l'effondrement bancaire qui s'ensuivra immédiatement, ou qui le précéderait par un effet d'anticipation des investisseurs, sera, à l'inverse de celui de 2008, irrattrapable, en tout cas par les États puisque les voilà financièrement sur le flanc. Il ne restera plus que l'alternative de l'émission monétaire massive ou de l'éclatement de la zone euro si la Banque Centrale Européenne et l'Allemagne se refusent à cette première solution. En un week-end, nous changerons littéralement de monde et des choses inouïes pourraient se produire, réinstauration de contrôle des capitaux, nationalisation flash, voire réquisition des banques, réarmement des banques centrales nationales, cette dernière mesure signant d'elle-même la disparition de la monnaie unique, le départ de l'Allemagne, suivi de quelques satellites, la constitution d'un éventuel bloc euro-sud, ou bien le retour à des monnaies nationales. Quand cette conflagration surviendra-t-elle? Nul ne peut le dire avec certitude. On ne peut exclure qu'un sommet européen parvienne enfin à taper suffisamment fort pour calmer un moment la spéculation. Mais ce temps gagné n'empêchera pas la macroéconomie de faire son œuvre, lorsque s'imposera, d'ici 6 à 12 mois, le constat de la récession généralisée, elle-même résultat de l'austérité généralisée, et que les investisseurs verront monter irrésistiblement le flot des dettes publiques supposées devoir être arrêtées par les politiques restrictives, la conscience de l'impasse totale qui se fera à ce moment entraînera les opérateurs à nommer eux-mêmes une capitulation, c'est-à-dire une ruée massive hors des compartiments obligataires et, par le jeu des mécanismes de propagation dont la finance libéralisée a le secret, une dislocation totale des marchés de capitaux tous segments confondus, et pendant ce temps les tensions politiques s'accumulent, jusqu'au point de rupture. Comme tous les seuils critiques du monde social historique, on ne sait pas exempt où il se trouve ni ce qui détermine son franchissement. La seule chose qui soit certaine est que la dépossession généralisée de la souveraineté, par la finance, par l'Europe néolibérale, travaillant en profondeur les corps sociaux et qu'il s'en suivrait nécessairement quelque chose, et là encore on ne sait pas quoi, le meilleur ou le pire. On sent bien qu'il y aurait matière à réécrire une version actualisée de la grande transformation de Polanyi, en reprenant cette idée que les corps sociaux agressés par les libéralismes finissent toujours par réagir, et parfois brutalement à proportion, en fait, de ce qu'ils ont préalablement enduré et accumulé. Dans le cas présent, ce n'est pas tant la décomposition individualiste corrélative de la marchandisation de la terre, du travail et de la monnaie qui pourrait susciter cette violence réactionnelle, mais l'insulte réputée faite au principe de souveraineté comme élément fondamental de la grammaire politique moderne. On ne peut pas laisser les peuples durablement sans solution de souveraineté, nationale ou autre, peu importe, faute de quoi ils la récupéreront à toute force et sous une forme qui éventuellement ne sera pas belle à voir. We'll be right back. La crise de la dette est d'abord une crise de la zone euro, où les déséquilibres s'accumulaient et que la crise financière a déstabilisé. Il s'agit donc d'une crise monétaire, de façon encore latente, car l'euro n'a pas encore dévissé ni explosé, mais évidente. Le probable effondrement de l'euro pourrait prendre plusieurs formes, une forme atténuée, avec la création de deux zones monétaires, selon un partage entre le nord et le sud, dont la France, ou entre le centre, dont la France, et la périphérie, ou une forme plus dramatique, avec la pulvérisation générale de l'euro et le retour à 17 monnaies nationales. La monnaie étant une construction politique, la question qui se pose est d'ordre politique, à quelles conditions, politiques, cet effondrement pourrait ne pas provoquer le triomphe des affects nationalistes et xénophobes, mais au contraire favoriser un rapprochement de certains peuples pour de nouvelles constructions monétaires, financières, budgétaires, politiques, solidaires. Si la sortie de l'euro est aujourd'hui probable, comment bien en sortir? Fin de cette première partie. À bientôt, Biz Numérique.